Le 13 octobre 1893, l'escadre russe de l'amiral Avlan fait escale à Toulon. Sur le kiosque à musique de la place d'armes, en son honneur, les musiciens des équipages de la flotte jouent la marche russe de Louis Gane, dédiée à Sa Majesté Alexandre III, tsar de toutes les Russies.